Aussi, al-isti'ana, la demande d'aide. La demande d'aide est basée aussi sur deux piliers. La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de compter sur lui et de t'en remettre à lui. Donc, l'isti'ana, la demande d'aide, est composée de ces deux piliers. C'est pour ça que tu peux trouver une personne qui fait confiance à une autre, mais qui ne peut pas compter sur elle dans une affaire importante. Pour une raison ou pour une autre. Il lui fait confiance, mais il ne peut pas compter sur lui. Par exemple, parce qu'il peut se passer de lui. Et inversement, tu peux trouver une personne qui compte sur une personne dans une affaire sans lui faire confiance, parce qu'il a besoin de lui. Il n'a pas le choix, il ne trouve pas autre personne. Donc il peut avoir besoin de compter sur lui dans une affaire sans lui faire confiance. Et l'isti'ana sur Allah subhanahu wa ta'ala, elle englobe les deux piliers. Tu places totalement ta confiance en lui. Et tu comptes sur lui dans toutes tes affaires. Tu lui délègues toutes tes affaires, tout en faisant les causes. Et at-tawakkul, il est tiré de ces deux sens qui viennent d'être cités. La confiance en Allah et compter sur lui. Et at-tawakkul, c'est le sens même de Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, c'est tawakkul. C'est pour ça qu'ils disent Iyyaka nasta'in. L'imam Ibn al-Qayyim, il le dit lui-même, et on va le voir à plusieurs reprises. Il dit que Iyyaka nasta'in, c'est le sens de la hawla wa la quwwata illa billah. C'est tawakkul. Placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, tout en comptant sur lui dans toutes ses affaires. Et pourquoi, quelqu'un il peut se poser la question, pourquoi l'adoration a été citée avant l'isti'ana? L'adoration a été citée avant la demande d'aide dans sourate al-Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par les fins et les objectifs avant de citer les moyens de les atteindre. Car les serviteurs ont été créés pour l'adoration d'Allah. Et l'isti'ana, la demande d'aide, c'est le moyen de parvenir à cette adoration, à cet objectif. Tu ne peux adorer Allah qu'avec son aide. Tu dois adorer Allah exclusivement, aimer croire en tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et tu ne peux l'adorer qu'avec son aide. Et il a rapporté de Cheikh l'Islam, rahimahullah, sa parole dans laquelle il a dit: j'ai médité l'invocation la plus bénéfique pour le serviteur et j'ai trouvé que c'est la demande de l'aide à Allah pour accomplir ce qu'il aime. Et j'ai trouvé que cette invocation était dans le Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, c'est une information. T'informes que tu demandes à Allah l'aide pour l'adorer. Mais en réalité, tu lui demandes son aide. Et ça, c'est un style connu dans la langue arabe. Les styles en langue arabe sont de deux catégories, comme vous pouvez étudier dans la science de l'Balagha. Style qu'on appelle khabari. Khabari. Et style qu'on appelle insha'i. Et le style khabari, où t'informes, peut être utilisé pour donner le sens d'un style insha'i, où tu donnes un ordre, où t'interdis une chose, ou tu invoques Allah, tu l'implores, et ainsi de suite.